إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours numéro 35 aujourd'hui dans l'explication du livre Al-Wala wa Al-Bara. Et on est toujours dans le chapitre, si je ne me trompe pas, c'est le chapitre numéro 8, au sujet des catégories de Mu'alat, des Kuffars, et que, yani, elles ne sont pas toutes au même degré. Et que, elles ne sont pas toutes au même degré. Il y a des différents degrés dans Al-Mu'alat envers les Kuffars. C'est-à-dire, quand on dit qu'il y a différents degrés, c'est-à-dire que, elles ne font tous ces, yani, c'est pas toute Mu'ala qui fait sortir de l'islam. Il y a des formes de Mu'alat qui, peuvent réellement faire sortir de l'islam, tandis qu'il y a d'autres catégories ou d'autres degrés qui sont des péchés et qui ne sont pas parmi les choses qui font sortir quelqu'un de l'islam s'il les a commises. Donc la première catégorie, on est arrivé donc à la première catégorie. Le cheikh il les a divisés en trois catégories. Al-Mu'alat, il les a divisés en trois catégories. Salasati aqsam. Kufriya wa fusqiya wa ma'fouun anha. Donc, c'est-à-dire, la forme de mu'alat qui est kufriya, c'est-à-dire qui est considérée comme étant une forme de mécréance, et al-fusqiya, c'est-à-dire celle qui est considérée comme étant un péché, et al-ma'fouun anha, c'est-à-dire celle qui peut être excusé. Donc le cheikh il commence, il dit al-qism al-awwal wa hiya al-muwalat al-amma al-mutlaqa al-tamma al-murtabita bi al-aqida wad-din. Wa amma ma yu'abbiru anhu ba'd ahli al-'ilm bit-tawalli alladhi yakunu fa'iluhu kafiran murtaddan kharijan 'an al-islam. Donc ma ou ma yu'abbiru anhu بعض أهل العلم بالتولي الذي يكون فاعله كافرا مرتدا خارجا عن الإسلام. Donc c'est ça. La première catégorie dont le cheikh parle maintenant, c'est la forme de mu'alat, qui est la forme de mu'alat absolue, qui est reliée à la aqida et la religion, ou bien comme certains savants l'expriment, comme étant at-tawalli. Parce qu'il y a certains savants qui appellent cette catégorie-là, comme les autres, ils l'appellent mu'alat aussi. Sauf qu'ils font une distinction entre mu'alat qui est kufr et qui fait sortir de l'islam, et la mu'alat qui ne fait pas sortir de l'islam. Tandis qu'il y a des savants qui distinguent par deux termes différents. Il y en a qui vont appeler mu'alat ce qui fait pas sortir de l'islam, et tawalli ce qui fait sortir de l'islam. Donc ils utilisent deux termes, mais c'est juste une question ici de terminologie entre les ulama, c'est pas une différence dans la réalité de la question. Donc, ils considèrent que al-muwalat, c'est ce qui fait pas nécessairement sortir de l'islam, tandis que at-tawalli, c'est ce qui est yani considéré comme kufr, et que celui qui le fait devient kafir, murtad, apostat, et qu'il sort de l'islam s'il le fait. Donc c'est pour dire que maintenant la première catégorie, c'est de cette catégorie là qu'on va parler. On va parler donc de qu'est-ce qui fait sortir de l'islam. Donc le cheikh, il a mentionné à ce sujet là différentes citations des savants. Il a mentionné 8 paroles de savants à ce sujet. Donc on commence avec la première. قال ابن عطية في المحرر عند قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Il y a des citations ici que le cheikh mentionne, on les a lues, hein, même que il les a mentionnées dans l'introduction, certaines d'entre elles déjà. Comme là, il cite maintenant la parole de Cheikh Ibn Atiyah, par exemple. Eh bien, cette parole de Ibn Atiyah, il l'a mentionnée. Il a volume 7, page 120, page, volume 5, page 127. Donc, il l'a déjà mentionné. Hein? Il dit, وَمَنْ يَتَوَلَّا. Il explique le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Il dit, وَمَنْ تَوَلَّاهُمْ بِمُعْتَقَدِهِ وَدِينِهِ فَهُوَ مِنْهُمْ فِي الْكُفْرِ وَاسْتِحْقَاقِ النِّقْمَةِ وَالْخُلُودِ فِي النَّارِ ومن تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقد ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم وعليه. Donc le cheikh explique ici que la signification du verset 51 dans sourate Al-Ma'ida, et quiconque les prend pour alliés d'entre vous est un des leurs, il dit, c'est celui qui les prend pour alliés dans sa croyance et dans sa religion. Hein? Il les prend pour alliés dans sa croyance et dans sa religion, alors dans ce cas-là, il est avec eux dans la mécréance, et dans le fait de mériter le châtiment, et le fait de rester éternellement en enfer, parce qu'il est d'accord avec eux sur leur mécréance. Tandis que celui qui les prend pour alliés par ses actions, du fait qu'il les aide ou il les supporte, sans être d'accord avec leur croyance et sans délaisser quoi que ce soit de la foi, alors dans ce cas-là, il est avec eux dans le fait d'être détesté ou d'être blâmé et d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Donc, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme haine et comme blâme, eh bien, il le reçoit lui aussi, sans toutefois nécessairement tomber dans la mécréance et dans le kufr. Puis ensuite, il mentionne la parole de Ibn al-Jawzi, hein, dans son tafsir Zad al-Masir, ou Zad al-Musir, le volume 2 à la page 378. Il dit, قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم فيه قولان أحدهما من يتولهم في الدين فإنه منهم في الكفر والثاني من يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر. Donc il y a deux paroles sur le verset 51 dans sourate Al-Ma'ida. La première, c'est celui qui les prend pour alliés dans la religion, alors il est avec eux dans la mécréance. Et le deuxième, c'est celui qui les prend pour alliés dans l'engagement ou dans l'entente. Dans ce cas-là, il est avec eux du fait qu'il a contredit l'ordre d'Allah, mais pas qu'il est avec eux dans le kufr. Hein. Donc ça, c'est la deuxième citation ici. Après, bon, il y a la citation de At-Tahir ibn Ashur, on l'a déjà cité, où il mentionne les détails sur la question. Donc c'est ça. Donc il dit wa 'inda qawlihi ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum ay lamma kana al-mu'minu idha i'taqada 'aqidata al-iman wa taba'a ar-rasul wa lam yunafiq kana musliman la mahala. Kanat al-aya bi hajatin ila at-ta'wil. وقد تأولها المفسرون بأحد تأويلين، إما بحمل الولاية في قوله ومن يتولهم على الولاية الكاملة التي هي الرضا بدينهم والطعن في دين الإسلام، وإما بتأويل قوله فإنه منهم على التشبيه، على التشبيه البليغ، أي فهو كواحد منهم في استحقاق العذاب. انتهى كلامه. Donc il dit le verset 51 dans sourate Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et quiconque les prend pour alliés est un des leurs. Eh bien, ça c'est lorsque le croyant croit la même croyance. Il dit lorsque le croyant qui croit en la aqida de la foi, qui suit le messager, qui n'a pas commis d'hypocrisie, il est musulman, donc ça, il n'y a pas de doute qu'il est musulman. Donc, s'il commet ce genre de choses, il faut donc absolument qu'il y ait une interprétation à ce verset. Il faut qu'il y ait une interprétation à ce verset-là, et les savants de tafsir l'ont interprété de deux interprétations. Soit qu'ils prennent le verset dans le sens de celui qui les prend pour alliés, c'est-à-dire du fait qu'il s'allie avec eux de façon complète et totale, c'est-à-dire qu'il est satisfait de leur religion et qu'il attaque et insulte l'islam, la religion de l'islam. Dans ce cas-là, bien entendu, il est un des leurs, dans le sens qu'il est mécréant. Et sinon, l'autre interprétation, c'est quand on dit il est un des leurs, dans le sens qu'il leur ressemble, et qu'il est un des leurs, dans le sens qu'il est comme s'il était un des leurs dans le fait de mériter le châtiment. Donc ça, c'est la fin de cette explication-là. Puis il dit, on l'a déjà cité avec les différentes catégories précédemment, et il dit que dans At-Tahrir wa At-Tanwir, on a cité également la division et les catégories, les huit catégories, où on a parlé des huit catégories de la Mu'alat. Puis parmi ces catégories-là, on a mentionné celle qui était Kufriya, et c'était celle qui était le fait d'avoir un penchant vers leur mécréance, le fait d'avoir un penchant à l'intérieur, intérieurement, avoir un penchant intérieur vers leur kufr, vers leur mécréance. Ensuite, il dit, et aussi j'aimerais mentionner un point qui est très important à ce sujet-là aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent à l'islam, et on sait que lorsqu'ils se convertissent à l'islam, et bien entendu, ils n'ont pas encore de connaissances profondes de la religion de l'islam, et ils ne connaissent pas non plus les règles générales de l'islam. Et la raison, c'est parce que, bien entendu, ils n'ont pas accès à beaucoup de sciences, des livres des savants de l'islam qui interprètent le Coran, qui interprètent la Sunna et qui clarifient les choses. La plupart, ils se limitent à lire, par exemple, des traductions du Coran, des traductions de la signification du Coran, et on sait que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est expliquée et mentionnée, mais elle a besoin également parfois de la Sunna pour être comprise comme il faut. Donc le Coran a besoin de la Sunna pour être compris comme il faut, et également les paroles des salafs, Donc, qu'est-ce qui se passe parfois, c'est que des jeunes ou des convertis de différentes origines, eux, ils vont directement dans le texte du Coran sans retourner à la Sunna, sans retourner aux paroles des salaf al-salih dans les livres de tafsir, pour essayer de comprendre correctement qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit et qu'est-ce que les versets signifient. Et donc, ils sautent à des conclusions très rapidement, et ils interprètent parfois même la traduction et non pas le texte d'origine ou de base. Ils le comprennent à leur façon, comme les Khawarij, comme la méthode des Khawarij. Et c'est ça qui est dangereux. Donc, ils vont prendre un verset, et puis ils vont pas le comprendre, donc qu'est-ce qu'il signifie réellement, parce qu'ils ne le ramènent pas à ses références, aux autres textes qui le clarifient. Ils le prennent juste tel quel. hein, sans comprendre qu'il y a d'autres versets, il y a d'autres hadiths, et il y a des paroles des salaf al-salih qui clarifient ce verset-là. Et donc, ils tombent dans l'extrémisme à cause de ça. Et au début de leur islam, ils sont fervents, ils ont du zèle, hein, ils ont du zèle, ils veulent faire avancer l'islam, ils veulent faire du bien pour la religion d'Allah, mais avec de l'ignorance, avec de l'ignorance. Et ça prend du temps pour apprendre cette religion-là, pour comprendre cette religion comme il faut. Il faut l'étudier et il faut prendre son temps à s'asseoir avec les hommes de science, à poser des questions aux hommes de science pour avoir des clarifications sur ces questions-là qui sont très très détaillées. Donc, on peut pas juste, hein, on peut pas juste partir comme ça et essayer de les comprendre à notre façon. Hein. C'est très dangereux ça. Donc, il y a ça. Puis le cheikh, ensuite il cite une autre parole du cheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman al Cheikh. Il dit: وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وقوله لا تتخذ قوما يؤمن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique ici certains versets, et donc le cheikh, ça c'est tiré de Ad-Durar As-Saniya, le volume 1, à la page 474, la page 474, et il mentionne ici donc il mentionne des versets. Il dit le premier verset, c'est le verset 51 qu'il mentionne dans sourate Al-Ma'ida. Et il dit que le verset Amma, il dit Amma qawluhu ta'ala. Donc en ce qui concerne le verset il y a les 51 dans sourate Al-Ma'ida, et quiconque les prend pour alliés est un des leurs. Ou le verset 22 dans sourate Al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie: tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui aime celui qui s'oppose à Allah et à son messager, hein, fût-il leur père, leur frère, et ainsi de suite. Naam, donc ça c'est le deuxième verset qu'il mentionne. Et le troisième verset, c'est le verset 57, verset 57 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion parmi ceux qui ont reçu le livre avant vous, et parmi les kuffars, parmi les mécréants, et craignez Allah si vous êtes croyants. Donc c'est le verset 57 dans Surat Al-Ma'ida. Le cheikh il mentionne exactement ce que je disais tout à l'heure avant ce point-là, avant cette parole du cheikh. Il dit: la sunna a expliqué ces versets et les ont restreints et limités dans leur compréhension, dans le sens que la sunna a clarifié et détaillé et limité la compréhension et l'a rendue exclusive pour la forme de muwalat qui est générale et absolue. C'est-à-dire que ces versets-là, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à qu'est-ce qui est dit par rapport à ces versets? Ça s'applique uniquement dans la forme de mu'alat qui est absolue et totale et complète, c'est-à-dire le fait d'aimer les mouchriquins et les kuffars dans leur religion et dans leur shirk et dans leur kufr. C'est ça le yani al-mu'alat al-mutlaqa al-amma. Hein? Et c'est ça qui fait sortir de l'islam. Le fait d'aimer les kuffars et les mouchriquins pour leur kufr, pour leur shirk. Ensuite, le cheikh il mentionne une autre parole, la parole numéro 5, c'est la parole du cheikh Abdurrahman al-Sa'di dans son tafsir de ces versets. Hein? On l'a déjà mentionné, mais on peut la relire encore juste pour clarification. Le cheikh il explique le verset "Wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun." Il dit "Wa zalika adh-dhulm yakunu bihasab at-tawalli. Fa in kana tawalliyan tamman kana zalika kufran mukhrijan 'an da'irati al-islam. Wa tahta dhalika min al-maratib ma huwa ghalidhun wa ma huwa duna dhalik." انتهى كلامه. وقال أيضا في تفسير قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم والتولي القليل يدعو إلى الكثير ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit que l'imam, le cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il dit dans son tafsir, et quiconque les prend pour alliés, alors ceux-là sont les injustes. Et c'est le verset 9 dans Surat al-Mumtahana, le cheikh explique ça dans son tafsir, et il dit, yani que, c'est-à-dire, ceux-là seront, quiconque les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes, et il dit que l'injustice en question ici, elle est selon leur allégeance au kuffar. Si cette allégeance est complète et totale, dans le sens qu'il les défend, il les aime à cause de leur kufr et à cause de leur shirk, ou pour leur kufr et leur shirk parce qu'il est satisfait de ça, et qu'il a agréé leur kufr et leur shirk, dans ce cas-là, c'est une forme de kufr qui fait sortir du cercle de l'islam. Hein? Et en dessous de ça, il y a des degrés, hein, qui sont sévères et d'autres qui sont moindres, et d'autres qui sont moindres en gravité. Et il dit ensuite, et dans le tafsir du verset 51, dans Surat al-Ma'ida, il dit, et le fait de prendre pour alliés de façon totale ou complète les kuffars, ça c'est quelque chose qui nécessite ou qui cause le fait que quelqu'un sort de la religion. Ça implique qu'il rentre dans leur religion à eux, ou bien qu'il quitte l'islam pour rentrer dans leur kufr. Donc c'est ça le at-tawalli at-tam. Hein? C'est le fait de yani d'être d'accord avec leur religion et d'aimer leur kufr et d'aimer leur shirk et de l'accepter et d'être satisfait de ça. Et tandis que yani il dit qu'il y a d'autres formes de tawalli qui sont moindres, hein, qui sont plus petites, qui peuvent appeler ou inciter ou inviter à ce qui est plus grand. Hein, puis que c'est quelque chose qui se fait parfois graduellement. C'est-à-dire ça commence par quelque chose de petit, puis petit à petit la personne devient un des leurs. Donc ça peut commencer par quelque chose qui ne fait pas sortir nécessairement de l'islam, mais que ça augmente, jusqu'à ce que la personne commence à aimer leur mécréance, à aimer leur shirk et leur kufr, puis finalement il devient un des leurs. Allah musta'an. Après, le cheikh, il mentionne une autre citation, c'est la citation du cheikh Sulayman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, et il distingue ici entre la forme de mu'alat qui est générale et qui fait sortir de l'islam, qui est kufr, et celle qui est moindre que celle-ci, c'est-à-dire celle qui ne fait pas sortir de l'islam, lorsqu'il mentionne 20 caractéristiques, parmi les caractéristiques du fait de prendre les kuffars pour alliés, et qu'elles sont toutes, ces caractéristiques-là sont toutes des caractéristiques qui mettent la personne en question, qui est responsable de ces caractéristiques-là, ou celui qui possède ces caractéristiques-là en lui-même, eh bien, il est mis sous la menace. Il est mis sous la menace à cause de ces caractéristiques qu'il possède par rapport au fait de prendre pour allier les kuffars. Donc, il mentionne, parmi ces exemples-là, dans Durar As-Saniya, le volume 8, à la page 154, il dit « وَأَحَدُهَا التَّوَلِّيَ الْعَامِ والثاني المودة والمحبة الخاصة والثالث الركون القليل. قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلوات الله وسلامه عليه فكيف بغيره. Donc on va commencer par ça, pour traduire cette partie. Le Cheikh, il dit que, il mentionne dans Ad-Durar As-Saniya, le volume 8, la page 154, il dit donc que parmi ces 20 caractéristiques-là, il mentionne la première, c'est le fait de les prendre pour alliés de façon générale. C'est-à-dire, les kuffars, tu les prends pour alliés de façon générale, c'est-à-dire tu aimes leur kuffr et leur shirk, et tu les défends, et ainsi de suite, dans leur religion. Donc ça, c'est la catégorie de mu'alat générale, absolue. Ensuite, il dit, الثاني, yani la deuxième catégorie, caractéristique, le fait de les aimer, hein, de les aimer d'un amour particulier. Troisièmement, الركون القليل, hein, le fait de se pencher vers eux ou de s'appuyer sur eux un peu, hein, un peu. Et il mentionne le verset dans Sourate Al-Isra, le verset, c'est le verset 74 et 75. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces deux versets qu'est-ce qui signifie. En s'adressant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors, nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort. Et ensuite, tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. Donc, ça c'est, yani, qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là, le point numéro 3, Ar-Rukun Al-Qalil, hein, fait de pencher un peu vers eux ou de s'appuyer un peu sur eux. Et le point ensuite, il dit, donc si, ça c'est une parole qui s'adresse à la plus noble des créatures, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc que dire d'autre que lui? Que dire de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala dit ça à quelqu'un qui est la plus noble des créatures, c'est-à-dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que dire de quelqu'un qui est autre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est encore plus grave. Et le point numéro 4, mudahanatuhum wa mudaratuhum. Qala Allah ta'ala, waddu law tudhinu fayudhinun. C'est le point numéro 4. C'est-à-dire le fait de vouloir transiger et de faire des compromis dans la religion, hein, yani de vouloir, comme on dit, faire des compromis avec eux et transiger. Al-mudahana. Et il dit waddu law tudhinu fayudhinun, le verset 9 dans Sourate Al-Qalam. C'est-à-dire ils souhaiteraient que tu transiges vers eux, hein, pour que eux transigent vers toi par la suite. Transiger, ça veut dire yani faire des compromis, yani faire des concessions dans la religion, hein, leur donner aux kuffars qu'est-ce qu'ils veulent pour leur faire plaisir. C'est-à-dire, comme par exemple, d'abandonner des questions de la religion ou de délaisser la religion pour pouvoir faire plaisir aux kuffars. Et tu leur donnes ta religion pour pouvoir préserver ta dunya. C'est ça que Cheikh Al-Fawzan a mentionné dans les explications de Al-Mu'alat. Et il fait la distinction entre Al-Mudara et Al-Mu'alat. Al-Mudara et Al-Mudahana. Al-Mudara, c'est lorsque tu donnes au kuffar quelque chose de ta dunya. Hein, tu sacrifies au kuffar quelque chose de ta dunya pour préserver ta religion. Hein? Donc ça, c'est permis. Lorsque tu as des moments de faiblesse ou de difficulté, tu sacrifies un peu de ta dunya pour préserver yani ta religion. Et qu'est-ce qui est interdit? C'est al-mudahana, c'est le contraire. C'est que tu abandonnes ou tu sacrifies quelque chose de ta religion pour préserver ta dunya. Hein? C'est ça qui est interdit, al-mudahana. Na'am. Ensuite, il dit, وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا بَيَانْ مُرَادِ الشَّيْخ بِالتَّوَلِّي الْعَامْ حِينَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ إِنْ كَانَ مُوَلَاتُهُمْ إِنْ كَانَ مُوَلَاتُهُمْ لِأَجْلِ دُنْيَاهُمْ يجب عليه من التعزير بالهجر والأدب ونحو ما يعني يزجر أمثاله أو يجزر أمثاله وإن كانت المولاة لأجل دينهم فهو مثلهم ومن أحب قوما حشر معهم انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit, et on a mentionné yani on a mentionné bientôt ou il y a pas longtemps, c'est-à-dire dans les pages précédentes, yani il y a pas très longtemps, on a mentionné déjà la signification de ce que le cheikh voulait dire par at-tawalli al-am, hein, puisque il l'a expliqué lui-même dans le volume 8 à la page 159 dans ad-durar as-saniya. Ad-durar as-saniya, il dit, si le fait de les prendre pour alliés, c'est à cause de leur dunya, tu les prends pour alliés pour leur dunya, dans ce cas-là, il faut que la personne soit punie, soit par le hajr, hein, le fait de le boycotter, hein, ou bien qu'il soit discipliné, hein, et puni. Bien entendu, par le juge, par les musulmans qui ont un poids, hein, parmi les ulama et les gens de d'importance. C'est eux qui vont par exemple appliquer la peine s'il doit être puni d'une certaine façon, c'est-à-dire les juges. Et le hajr, eh bien, ça doit être fait par ceux qui savent comment le faire comme il faut. Et il dit, wa in kanat al-muwala li ajli dinihim. Donc si al-muwalat ici c'est à cause de leur religion, alors il est comme eux. Et le cheikh, on voit ici qu'il distingue entre le fait de prendre pour allier les kuffar pour la dunya, tu t'allies avec eux pour des choses de la dunya, et le fait de les prendre pour allier pour des choses de la religion. Ça, c'est pas la même chose. Si tu t'allies avec eux pour leur religion, leur kuffar et leur shirk, ça c'est quelque chose qui fait que tu deviens comme eux dans le sens que tu deviens mécréant. Et il mentionne ensuite que celui qui aime un peuple, il sera ressuscité avec eux. Naam. Ensuite, il mentionne une autre citation du Cheikh Abdullah ibn Abdul Aziz al-Anqari. Il dit, مقررا اعتقاد علماء الدعوة في التفريق بين الموالاة التامة أما دونها. Il dit donc, pour distinguer, pour confirmer la croyance des ulama de la da'wa en la distinction entre la mu'alat qui est absolue et générale et celle qui est moindre. Et il dit donc dans le volume 9 à la page 158 dans Ad-Durar As-Saniya, il dit فإن كان المراد به موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودتهم و يعني معاونتهم على المسلمين وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم والشيخ رحمهم الله والمشايخ رحمهم الله إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعالهم وهذا هو الذي أوجب كفره أما مجرد الاجتماع معهم في المنزل فإن ذلك بدون إظهار الدين معصية. Donc le cheikh il explique donc qu'est-ce qu'on veut dire par le fait de faire al-mu'alat, c'est-à-dire d'être d'accord avec les kuffars sur leur kuffar et de leur montrer l'amour et de les aider contre les musulmans et d'embellir leur action et de considérer leurs œuvres comme étant bonnes et de leur montrer de l'obéissance et de la soumission sur leur mécréance. Hein? Donc les mashaykhs, que Allah leur fasse miséricorde, lorsqu'ils mentionnent la mu'alat des mushrikines, ils l'interprètent donc par le fait d'être d'accord. Hein, et de vouloir d'être d'accord avec les mushrikines et de vouloir les défendre et de les aider et d'être satisfait de ce qu'ils font. Et ça, c'est ce qui fait que quelqu'un, dans ce cas-là, est dans le kufr. Hein. C'est ce qui fait que ça nécessite qu'il soit déclaré comme étant dans le kufr. Et qui le rend mécréant. Mais si c'est juste le fait qu'il se réunit avec eux dans un endroit sans leur montrer de l'agrément ou sans leur montrer il dit en ce qui concerne le fait d'être réuni avec eux dans un endroit, hein, si ça se fait sans leur montrer ta religion, c'est un péché. Si tu le fais sans leur montrer ta religion, sans montrer ta religion ouvertement, dans ce cas-là, c'est un péché. Hein? Et il dit, وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ يعني معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة ويقولون لهم إذا خلوا بهم إنا معكم فهذا الذي أوجب كفرهم لا مجرد المخالطة. انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique ici, il dit que Ibn Kathir dans son tafsir, il dit en expliquant le verset 144 dans sourate An-Nisa, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit: oh vous qui avez cru, ne prenez pas les mécréants pour alliés en dehors des croyants, c'est-à-dire, ne soyez pas réellement avec eux, hein, de les prendre pour alliés et de leur cacher de l'affection et de l'amour, hein, de leur cacher de l'affection et de l'amour et de leur dire lorsqu'ils sont seuls avec eux, nous sommes avec vous. Hein. Il dit ça, c'est qu'est-ce qu'il y a nécessité leur mécréance et non pas seulement le fait d'être avec eux. Parce que le simple fait d'être avec des mushrikines et d'être ensemble avec eux et dans un endroit, ça ne veut pas nécessairement dire que tu les as pris pour alliés. Hein? Et donc le cheikh il distingue et il clarifie. Ensuite il dit, ensuite c'est la huitième citation, qui est la dernière citation dans cette catégorie. Il dit وقسم الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان المظاهرة إلى أقسام خمسة إلى أقسام خمسة مختلفة في الأحكام. فقال في شرح نواقض الإسلام: القسم الأول مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال، فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة، فمن ظاهرهم وأعانهم وساعدهم على المسلمين مع محبة دينهم وما هم عليه والرضا عنهم وهو مختار، فإنه يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة على ظاهر قوله تعالى فإنه منهم. انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique ici, il dit, Cheikh Al-Fawzan, dans son explication de Nawaqid al-Islam, il divise donc le fait de supporter et de prendre pour allier les kuffars en cinq règles différentes. Hein, cinq règles, cinq verdicts différents. La première catégorie, c'est ceux qui aident et qui c'est ceux qui aident les mushrikines contre les musulmans tout en aimant leur mécréance, leur shirk et leur égarement. Cette catégorie là il n'y a pas de doute que ils sont dans une forme de mécréance majeure qui fait sortir de la religion, et celui qui les aide, c'est-à-dire les mushrikines et qui les supporte, qui les aide et qui les supporte et qui les aide contre les musulmans et qui aiment leur religion en même temps et qui aiment ce qu'ils font et qui est satisfait de leur religion alors qu'il a le choix, c'est-à-dire il n'est pas contraint, alors dans ce cas-là, c'est une forme de mécréance majeure qui fait sortir de la religion selon le sens apparent du verset 51 dans Sourate Al-Ma'ida, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, quiconque les prend pour alliés, il est un des leurs. C'est dans ce sens-là. Donc ça c'est important. Tout ça, on a lu donc des citations des savants qui mentionnent la clarification et la signification du verset 51 dans Sourate Al-Ma'ida et de d'autres versets qui ont le même sens, et c'est pour faire comprendre que le fait de prendre pour allié dans le verset, et que qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient un des leurs dans la croyance, c'est lorsqu'il est d'accord avec leur kufr et leur shirk et qu'il est satisfait de ça et qu'il les prend pour allié dans ça. Dans ce cas-là, il sort de l'islam, mais sinon, comme on l'a expliqué, eh bien ça ne fait pas nécessairement sortir de l'islam, et on a mentionné ça à ce sujet-là déjà, mais là il y a la deuxième catégorie justement qui clarifie ça encore plus et qui donne encore plus de détails sur cette question. Donc c'est la catégorie al-qism al-thani hiya al-muwalat al-muqayyada wa aw al-khassa allati لا يكفر مرتكبها وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد وبغض الكفر وأهله أو إعانتهم ويعني مع سلامة الاعتقاد. دونك الشيخ الدي وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد وبغض الكفر وأهله أو إعانتهم ويكون الحامل له على ذلك مصلحة شخصية أو خوف أو عداوة دنيوية بينه وبين من يقاتله الكفار من المسلمين فهذه كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرج صاحبها من الإسلام لأن مجرد النصرة العملية للكفار على المسلمين دون عقيدة القلب لا يكفر بها أو لا يكفر بها نعم لاحتمال أن يكون ذلك عن ضعف إيمان وعدم محبة الكفر. Donc le cheikh explique que la deuxième catégorie c'est la forme de mu'alat qui est limitée ou restreinte et qui ne fait pas sortir de la religion, qui n'est pas kofre, qui ne rend pas mécréant celui qui la commet. Et c'est la forme de mu'alat qui est faite pour un intérêt de la dunya, tout en étant avec une croyance qui est propre et saine et en détestant la mécréance et les gens de la mécréance. Ou bien le fait de les aider, d'aider les koufars, mais de les aider pas pour quelque chose qui a rapport avec la religion ou du fait que tu es d'accord avec leur kufr et leur shirk, mais plutôt qu'est-ce qui te pousse à les aider contre des musulmans, c'est un intérêt personnel, ou bien une crainte, ou bien une animosité pour quelque chose de la dunya entre toi et ceux que les kuffar combattent parmi les musulmans. Et dans ce cas-là, le cheikh il dit que c'est un grand péché parmi les grands péchés, et que ça ne fait pas sortir la personne de l'islam, parce que le simple fait de venir en aide dans la pratique ou dans l'action, de venir en aide aux kuffar contre des musulmans sans avoir la croyance dans ton cœur en leur kuffar ou leur shirk, eh bien, ça ne fait pas devenir mécréant, parce qu'il est possible que ce soit fait à cause d'une faible foi, ou bien à cause de, une foi qui est pas forte, une foi faible, et il dit wa adami mahabbat al kufr, et en même temps la personne elle n'aime pas le kufr, elle déteste le kufr. Donc elle a la foi faible mais elle déteste le kufr en même temps. Donc dans ce cas-là, elle sort pas de l'islam. Par rapport à cette question, le cheikh il a donné une réponse très détaillée. Et il commence par citer, il a donné 9 citations de savants sur cette question-là. 9 citations de savants qu'on a mentionnées déjà depuis le début du livre. Puis après, il mentionne les preuves des différents degrés de mu'alat du fait que par rapport au fait que ce soit quelque chose qui rende mécréant ou non, qu'il mentionne les différents degrés. Et là, donc il y a les neuf citations en question, c'est assez long, je sais pas, peut-être que le mieux ce serait peut-être de laisser ici, de s'arrêter ici, puis de reprendre la semaine prochaine à partir de la deuxième catégorie pour consacrer le cours numéro 36 à cette deuxième catégorie là au complet. Donc je pense que ça ce serait mieux. Je pense que ce serait mieux de faire ça, comme ça ce serait plus clair. Puisqu'il a mentionné 9 citations, puis après il mentionne 5 preuves. Puis il termine avec quelques paroles encore des hommes de science à ce sujet-là. Donc c'est quand même une catégorie qui clarifie en détail. Ça commence à la page 272 et ça termine à la page 291. Donc il y a comme une vingtaine de pages juste pour clarifier la deuxième catégorie. Donc moi je pense que le mieux ce serait de s'arrêter là, puis de reprendre inchallah prochain cours avec le début de cette deuxième catégorie là pour l'expliquer correctement et donner les détails, expliquer le plus possible cette question. Puis après il y aura la quatrième catégorie, la troisième catégorie. Et ça, c'est un peu plus court, donc ça va aller, inshallah. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.